Mais ton pied ne voit plus l'aura des lucioles. Il a cru ses voiles, en parlant de sa nécropole. Il a plongé dans son monde, a peint son trompe-l'œil. L'illusion et le reflet protègent son orgueil. Et dans le fond, affronter l'erreur et les remords. Non, il préfère fuir l'enfer tant qu'il offre le confort de l'illusion. Il y trouverait confort et évasion. Certains hommes ont l'âme, la mine et de l'armée, leur âme et le leur, comme des mythomanes l'emmènent dans la mine des minois, ils montent entre des aliénés, les délits et de l'ombre, l'entre deux mondes, où vont les cons, des cons les plus féconds, aberrations et des raisons, n'est dans le rang des errants, les plus dérangés, les rongés, dans une rage qu'ils ont diluée, en s'éloignant des allées, des lueurs liées, car la pénurie de lueurs apaise leur remords, et la peine de la mort ne pèse plus si l'humanité se met à mériter son sort. Mérite son sort. Alors les rongés s'arrangent et volent chaque lueur de nuit. L'assassinat de Lucien, mon ami. N'écoute pas ses pensées fragiles, malaxées comme de l'argile. Le marché est facile, c'est en bas qu'il se signe. Il y a des marges à faire sur les morts, alors creuse, t'y trouveras de l'or. Allez, Médor, j'aimais mes ordres et mon désir et le désordre. T'as fait ton pacte avec mon enfer, t'es mon fantôme. Belle fée, corps, remue mes terres et je t'enferme. Je connais l'histoire par cœur. Tu vas t'enfuir et tenter de les sauver encore. C'est une histoire sans fin, l'ouroboros de ta mort. C'était mon offre de ta mort, t'enfermer dans mon coffre pour toujours. Tu as choisi mon offre, revivre ce jour. Tu as choisi mon offre pour toujours.